a beaucoup l'ont quitté et ont plus continué le chemin avec lui. Praise the Lord. Alléluia. And Jesus said unto the 12, will you also go? Praise the Lord. Hallelujah. Will you also go? The door is open. Werdet ihr auch gehen? Die Tür ist auf. Amen. I will start our shop. Und ich werde meinen Markt eröffnen. Praise the Lord. Hallelujah. He knows that they will not go because it's his father that gave them to him. Aber er weiß, dass sie nicht gehen werden. Are you getting it? If Jesus gives you, if he is the one that brings you, nothing can take you. Amen. Except if you are the one that brings you, there's something. It's a matter of time, something will take you. Und er wusste, dass sie nicht gehen werden, weil sein Vater sie gebracht hat. Aber wenn du dich selbst irgendwo hingebracht hast, dann ist eine Frage der Zeit, bis du auch wieder gehst von selbst. Et welcher Vers ist das? Jésus donc dit aux 12 et 67 now. Et vous ne voulez pas aussi vous en aller, mais Jésus-Christ était conscient qu'ils n'allaient pas partir parce qu'il savait que c'est Dieu lui-même qui les avait envoyés. Parce que avant, dans 66, on peut dire que bien avant. Que personne ne peut venir vers Jésus-Christ si ce n'est pas Dieu lui-même qui les a envoyés. Donc il était conscient que les 12 n'allaient pas partir. 68. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? That has the word of eternal life. 69. And we believe and are sure that thou art that Christ. Amen. The Son of the Living God. Der Sohn des lebendigen Gottes. 70. Jesus answered them, have not I chosen you 12? And one of you is a devil. He spake of Judas Iscariot, the son of Simon, for he it was that should betray him, being one of the 12. He called him devil. Er hat ihn einen Teufel genannt. Praise the Lord. Il a appelé le diable. Judas, il a appelé le diable. You can see Jesus just refused to pamper them. Jesus hat sich geweigert, sie zu fetchen. On peut voir qu'il a refusé de les dorloter. Amen. Amen. Because you know, he know what it is to pamper. Und er weiß, was es bedeutet, zu fetchen. Das ist nicht from von Himmel erst. Et il sait que dorloter ne vient pas du royaume des cieux. Christ's message always offend people. Die Botschaft von Christus kränkt Leute immer. Le message de la parole de Dieu offense souvent les gens. Amen. The truth always offends lies. Weil die Wahrheit, die Lüge sozusagen kränkt. Parce que la vérité est toujours opposée au mensonge. You know, once you own light in a dark room, you know, all these rats, you see they hiding. And they'll be looking for places to hide. Are you getting it? Amen. Allow the light to be on. Dass so that they run away from you. In einem dunklen Ort dieses Licht anmaßt und alle Kriechtiere auf einmal verschwinden und sich verstecken, dann lass zu, dass das Licht für dich arbeitet. Et c'est la même chose quand tu allumes la lumière dans une cave, quoi que ce soit par exemple, tu vas voir tous les rats vont commencer à fuir, à essayer de se cacher, et c'est la même chose avec la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Don't allow it to be. Matthew 15. Don't allow your praising him to be with your mouth alone. Lass nicht let it come from your heart. Gesang nur von deinem Mund kommt, soll auch von deinem Herzen kommen. Amen. Amen. Tu dois vraiment être sûr que quand tu glorifies l'Éternel, que ça vient pas seulement de ta bouche, mais aussi que ton cœur y est aussi. Don't be like the hypocrites. Sei nicht so wie die Heuchler. Ne sois pas comme les hypocrites. Are you getting it? Amen. From verse 7. 7. He said, you hypocrites. 15, 7. Where did Isaiah prophesy of you, saying, these people draweth nigh unto me with their mouths, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Prove your heart, please. Prüfe dein Herz, bitte. Examine ton cœur. Jesus Christus. Est-ce que ton cœur appartient vraiment à Jésus-Christ? But in vain they do worship me, teaching for doctrine the commandment of men. Men have their commandment, the Lord have his own commandment. Menschen haben ihre Gebote, aber der Herr hat seine eigenen Gebote. l'être humain a ses commandements, mais l'Éternel a ses propres commandements. Amen. Verset 9, on a lu jusqu'à verset 9. Men have their everything. The Lord have his own everything. Menschen haben ihr eigenes alles, haben ihre Dinge und der Herr hat seine Dinge. Mm. Donc l'être humain a ses choses, mais tout comme l'Éternel a ses propres choses. Verset 10, and he called the multitude and said unto them, hear and understand. Verset 11. 11. Not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 12. Verset 12. There came his disciple and said unto him, knowest thou that the Pharisees, we are offended after they heard this saying. You offend them. Are you getting it, please? Mm. They are offended. Sie nehmen Anstoß. Amen. Mm. You know, people are offended. We want to make them, we want to please with them, we want to speak with them, we want to bring them back. Leute haben Anstoß genommen und wir wollen sie versuchen, amen, herzustellen. Jesus was not, you know. Jesus war nicht gemeint. Somebody, you know, a lot have been offended. Viele haben hier schon Anstoß genommen durch die Botschaft. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Nous, souvent, quand il y a des personnes qui sont offensées par la vérité ou quoi que ce soit, on essaye de les ramener ou de diluer le message qu'on avait donné, la parole qu'on avait donnée. Et beaucoup de personnes ont été offensées ici. But he answered and said, every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. Can you see that there is nothing like pamper? Seht ihr, dass hier nichts von Fälschen ist, sondern hier wird direkt. He did not run says, after them and be begging them, like, oh, understand me. Let me explain to you. Let me. The door is open. You are the one that need me. Er ist ihnen nicht hinterhergerannt. Er hat ihnen die Tür geöffnet und gesagt, ey, ihr braucht mich, nicht umgekehrt. Praise the Lord. Alleluia. On peut voir que Jésus-Christ n'a jamais suivi ces personnes à essayer de les récupérer, de les dorloter. Et c'est la même chose avec nous. On doit seulement, quand on veut... Quand on veut convaincre quelqu'un, on doit seulement le faire avec la vérité et pas diluer cette vérité. Somebody left, you know, a lot have left this church. Viele haben diese Gemeinde verlassen. Beaucoup ont quitté cette église à cause du message. They left Jesus because of his message. Ja, Jesus verlassen wegen der Botschaft. Tout comme beaucoup de disciples ont quitté Jésus-Christ à cause du message, à cause de son message. Jesus did not run after them. Jesus ist nicht hinterhergerannt. Mais amen. Jésus-Christ les a pas poursuivis. Verse 14, he said, let them alone. Les a pas suivis, pardon. They be blind leaders of the blind. Mm-hmm. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 11, verse 12 and 13, question and answer. Look at it, 12 and 13. 12 and 13. Maintenant, on va lire verset 12 et 13. Then came his disciples and said unto him, knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying. Amen. And look at the answer Jesus gave. But he answered and said, every plant which my heavenly Father. Praise the Lord. You can see there's no fear in him. That's kind of angst in him. Il n'y a pas de peur dans. Jésus-Christ, he Jésus-Christ. Never pampered anyone. Il n'a jamais dorloté qui que ce soit. Amen. Amen. Even the natural pampered. Selbst das natürliche. Pampered. You know, pampered children. You know how they live. Fetchete Kinder. They're so spoiled. Sie sind so unerzogen. Amen. Et même si on l'observe seulement dans l'aspect charnel. Si on voit des enfants qui sont toujours dorlotés, ils sont toujours la plupart du temps c'est des enfants mal éduqués. You know, grandmother, grandfather, they pamper their grandchildren. They pamper them. I don't. Once that child, once they get to the time, it's the grandmother that they first kill before any other person. Yeah, because that child know that this mother, this woman is the one that spoiled my life. They know. If you look at the story of how they killed their grandmother, they first of all killed their grandmother or their grandfather. Before they can go out, they go to school and go and kill people. Because they are the one that even spoil them. You don't pamper children. Naturally, grandmother, grandfather, they pamper children, they spoil them. And these people, they grow up with it. You train up a child in Christ. And not in evil way. Those things are evil. You might even call it love, but it's evil. Und auch in der Welt, dieses Verhätscheln von Kindern ist halt auch bösartig. Und sehr oft ist es bei Großeltern so, weil sie sich denken, ja, bei unseren eigenen Kindern waren wir zu streng, deswegen wollen wir jetzt hier lieber ein bisschen netter und süßer sein. Und deswegen gibt man den Kindern, Großeltern, gibt man dann seinen Enkelkindern alles, was sie sich wünschen, alles, was sie haben wollen, und belehrt sie nicht, ermahnt sie nicht und verhätschelt sie einfach. Und später, wenn die Kinder... Später, wenn diese Kinder dann halt durchdrehen, ne, und dann nicht mehr zu zähmen sind, sind ihre Großeltern sogar die Ersten, die daran glauben müssen, die sie dann im schlimmsten Fall sogar töten. Und danach gehen sie weiter in die Schule und laufen Amok und machen andere Sachen. Es gibt ja schon viele Geschichten zu, ne, wo Menschen wirklich, wo Kinder wirklich durchdrehen, ihre eigene Familie töten und dann halt ihre Schulkameraden. Und der Grund dafür ist einfach, weil diese Kinder einfach durch den Teufel auferzogen werden, ne, nach teuflischen Prinzipien aufwachsen, verhätschelt werden und nicht nach den Prinzipien vom Königreich von Jesus Christus. Ja, on peut aussi voir que la plupart du temps, quand il y a des tragédies qui arrivent, quand il y a des gens qui se suicident, mais tuent d'autres personnes avec, c'est souvent les personnes qui ont été dans l'autre pendant toute leur vie. Donc, mais avant de partir tuer d'autres personnes, ils vont d'abord tuer les personnes qui les ont mis dans cette situation, que ce soit leurs grands-parents ou les parents. Donc, et ça, c'est ça qui est... qu'on peut prendre comme exemple à ne pas faire. On doit vraiment éduquer nos enfants en Jésus-Christ. Et là, tout ira bien. Mais si on les éduque avec le système de ce monde, avec les choses que la chair aime bien, là, on aura des problèmes avec les enfants. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Papa children, they are so spoiled. Parents always get the result later when it is too late. Yeah. Und verhätschelte Kinder sind zu unerzogen und it's too late. Die Eltern kriegen die Quittung dann erst später, wenn es dann zu spät ist, wenn man diesen Baum sozusagen nicht mehr gerade biegen kann. Et c'est pour ça qu'on doit être vraiment, attentif, parce que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est souvent les enfants qui ont toujours été dorlotés, qui sont souvent mal éduqués, et les parents doivent payer le prix plus tard, hein, quand il y aura quand c'est plus possible de recadrer l'enfant. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus did not come to make things easy or easier, but to make it not just hard, but impossible for the flesh. Jesus ist nicht nur gekommen, Dinge schwieriger zu machen, sondern um sie sogar unmöglich zu machen für das Fleisch. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour rendre les choses plus difficiles dans la chair, mais plutôt pour les rendre impossibles dans la chair. Amen. Afin qu'on soit plus juste esprit. It means no flesh can achieve it. Das heißt, kein Fleisch kann das schaffen. C'est-à-dire que la chair n'est plus capable à le faire. Praise the Lord. Hallelujah. Again, I will quickly repeat it a little bit. Amen. Amen. Remember Wednesday's message concerning blessing his house. Erinnert euch an die Botschaft or being there for Christ. Für Christus da zu sein, das Haus Gottes zu segnen. Rappelez-vous du message de mercredi quand il s'agissait d'être là pour la maison de Dieu ou d'être là pour Jésus-Christ. Amen. Amen. The flesh will see it's so hard. Das Fleisch wird sagen, es ist hart und unmöglich. Pour la chair va dire que c'est impossible. Amen. C'est trop dur. Again, I'm an example. Your heart. Your house rent is 1,002, just like Ogeva said. And to be there for house of Christ should be even more than that this time. Your flesh will say, how can you achieve? that if your salary is just 2,000, for example. Oder beispielsweise auch, dass du vielleicht 1,000 Euro Miete zahlst oder 1,000 Euro zahlst, weil du beispielsweise ein Haus hast und genauso viel halt oder mindestens genauso viel in die Gemeinde geben sollst. Und dann vielleicht sagen, wie soll das möglich sein, wenn ich nur 2,000 Euro verdiene? Et si par exemple tu payes 1,000 euros par mois comme loyer et tu te dis que ce que tu donnes dans, le, dans la maison de Dieu, ce que tu donnes pour le Christ doit être minimum le même montant pour la chair, ou alors tu vas te dire comment est-ce possible? He does not want you to be like them that take care of themselves. Er möchte nicht, dass wir so wie die sind, die auf sich selbst Acht geben. Er möchte auf uns Acht geben. Il veut pas qu'on soit comme comme le monde qui prend soin de lui-même, mais il veut que qu'il soit la personne qui prenne soin de toi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, if it is so hard, then move into a smaller apartment. Weil wenn das so hart ist, dann zieh doch in eine kleinere Wohnung. Parce que si c'est difficile, for si Christ's sake, pour toi, um Christus willen. Emménage dans un appartement plus petit. I know people do it. Pour Jésus Christ. People from house, they go to a flat. For maybe money sake. Or for one reason or the other. But whatever you are doing it for Christ's sake. Because he wants you to do it. Und es gibt Leute, die tun das. Zum Beispiel, die hatten ein Haus und dann ziehen die eine kleinere Wohnung, weil sie, keine Ahnung, irgendwie ihr Geld spenden wollen oder weil sie mit dem Geld irgendwie was anderes machen möchten. Deswegen ziehen sie da eine kleine Wohnung und Menschen in der Welt machen das. Y a des gens par exemple qui le font, qu'ils étaient dans une maison ou alors dans un grand appartement et ils ont aménagé dans un petit appartement ou quoi que ce soit pour économiser de l'argent ou pour d'autres raisons peut-être. Mais toi qui es un enfant de Dieu, es-tu capable de le faire pour Jésus-Christ? Lazarus is better than the rich man. Lazarus is better than the rich man. But we don't know that. Lazare est mieux que l'homme riche. Amen. I prefer to be Lazarus than to be the rich man. Tu préfères Lazarus als der reiche Mann heute? Ouais, je préfère être Lazare au lieu de l'homme riche. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. You know, problems make people to change the apartment. Aus Problemen müssen because Leute of one problem ausziehen. Or the other. Wegen Situationen, Dinge, die sich ergeben, müssen Leute dann auf einmal ausziehen, eine kleinere Wohnung oder ihr Haus aufgeben. Il y a certaines personnes qui ont dû abandonner leur maison ou leur grand appartement à cause des circonstances. You go for more job, for Christ's sake. Oder Leute arbeiten mehr, um mehr Dinge zu haben. Oder genauso wie man dann halt mehr arbeitet, um Christus willen. Oder d'autres personnes qui travaillent encore, qui prennent un deuxième ou troisième travail pour l'éternel. You know, I have lived in that world before. But I was doing it for the flesh, but not for Christ. Amen. I did it for the children. No, I have to be cleaning a house for somebody so that the money that person will be using it to teach this Gavin and Nathaniel, when they came from Nigeria. Are you getting it? I have to be, when they say they need money in Nigeria, I go and look for money, clean, then gather the money, send it to them. That is not for Christ's sake. And that is, if Christ will not even see it for his sake, you see it as evil. What I'm talking about is Christ. Religion, we see it as good. Very good. You are there for your parents. But Christ will never see it that way. I did not know the truth then. I was there for them. Through the flesh. It was all about the flesh. Because if you are there for a mother, your father, because they are your mother, your father is flesh. You better allow it to be for Christ's sake. I hope somebody is getting it, please. Und Genau, und ich habe es im Fleisch früher auch so gemacht, dass ich beispielsweise bei dem Nachhilfelehrer meiner Söhne geputzt habe, damit die Nachhilfestunden für meine Söhne dann umsonst sind. Na, das habe ich halt auch gemacht. Oder auch die Zeit, wo unsere Familie Nigeria Geld gebraucht hat, habe ich auch geputzt, damit man das Geld dann halt dahin schicken kann. Aber es ist halt fleischlich. Religion würde sagen, boah, krass, wie heftig eine Mutter, wie sehr eine Mutter ihre Kinder liebt. Oder wie krass, dass du immer noch an deine Familie denkst, weil du hättest die eigentlich vergessen können, weil du jetzt hier bist. Aber dennoch denkst du noch an sie und schickst ihr Geld. Und sie nennen das gute Mutter. Aber es ist teuflisch, weil es alles vom Fleisch und für das Fleisch ist. Das sieht Jesus Christus nicht als, das zählt er nicht als für ihn, weil es für das Fleisch ist. Es ist vergänglich. Et moi, par exemple, quand mes fils sont venus du Nigeria, je faisais le ménage chez un professeur qui leur donnait des cours d'allemand. Ou alors quand ma famille charnelle au Nigeria avait besoin d'argent, je faisais des petits jobs, je partais faire le ménage aussi pour leur envoyer de l'argent. Le monde, la religion va te dire que ce sont des choses bien parce que tu aides des personnes, mais Jésus-Christ lui-même il va dire que si tu ne fais pas quelque chose pour moi, cette chose est en vain. Donc on doit vraiment être sûr que tout ce qu'on fait, le motif ou la raison pour laquelle on fait des choses est toujours pour l'éternel, pour le royaume des cieux et pas pour la chair. There's the period of transit. Es gibt eine Überbrückungszeit sozusagen. Il y a une période de transit. Maybe on Wednesday I would like to speak about transit. Amen. Mm-hmm. Transit. There's a period. This period of transit. We have to understand it. Und die müssen wir verstehen. Il y a une période de transit, mais je vais en parler mercredi. Amen. Mais c'est aussi important à comprendre. People work more job for Olop to get to travel. They get more job. Even there was a place I was also cleaning. And there was a cranking stressed a nurse. Mm-hmm. This girl was a nurse. We were cleaning together. Then she said she will go to work tomorrow morning. I said, oh, you are cleaning and don't have. They said no. He said she's a cranking stressed. I said, why? What are you doing here? She said she need money for their marriage. Mm-hmm. The money they have is not enough, so they need more money so that they can sponsor their marriage. That's why she's working hard. The husband also is working hard to get out there. You can see how people can go extra, working more. And once it closes one day, come there every day to come and clean for 2 hours. How you can do it because of the flesh, but not because of Christ. Und auch, ich hatte auch mal eine Stelle, wo ich geputzt habe, und da war auch eine Frau, und die hat auch gesagt, ja, sie arbeitet hier, sie ist zwar Krankenschwester, aber sie arbeitet hier noch nebenbei, weil sie halt ihre Hochzeit finanzieren möchte, weil das Geld, was sie haben, reicht nicht für deren Vorstellungen, also wie sie die Hochzeit gerne haben möchten. Und deswegen arbeitet sie halt nebenbei, damit sie das halt sich leisten können, diese ganzen Sachen. Und ihr Verlobter arbeitet halt auch noch mehr, um das halt, damit sie zusammen halt für die ganze Hochzeit aufkommen können. Und das sind Menschen, die das halt im Fleisch machen, um ihre Ziele und ihre Wünsche zu erfüllen. Et il y avait aussi une dame avec qui elle travaillait dans un endroit où elle faisait le ménage. Et cette dame lui avait dit un jour qu'elle doit partir parce qu'elle a un autre travail. Oh, elle a demandé. Quand tu travailles, on travaille dans la même société, mais tu as aussi un autre job où tu fais aussi le ménage. Elle a dit que non, cette femme, elle était une infirmière, mais comme elle devait payer son mariage, elle et son mari, ils ont pris tous les deux des deuxièmes jobs pour pouvoir financer leur mariage. On peut voir à quoi l'être humain est capable à faire pour obtenir... pour accomplir ses désirs, ou alors ce qu'il a envisagé. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they are the one working. But anytime you are working, you are not the one working. Please understand the difference. They walk, but your father is the one that walk. Und sie sind die. And that is how you are to see it and believe it. And that is how. That is how you have victory. If you see yourself doing the job, it will be hard labor. You'll be like them, that there will be stress. You'll be full of stress. But if you see Christ carrying the load, and he's the one doing the job, the Holy Spirit is there to be there for you. Amen. Because the Holy Ghost is for Christ's sake. It's there, we see, when you see Christ is the one doing whatever you are doing, then the Holy Ghost is working. He will be there for you. Once is the Holy Spirit that is working, we know how he works. Und wir dürfen uns halt nicht mit diesen Menschen vergleichen nach dem Motto, okay, wir beide arbeiten ja, gleich, aber sie hat das Ziel Ehe, ich habe das Ziel Gemeinde. Nein, sondern dieser Mensch arbeitet für sich selbst und aus sich selbst heraus. Ne? Aber bei uns, wie Kinder Gottes, ist der Herr, der durch uns arbeitet. Und er hat uns auch not diese that. Kraft gegeben, zu arbeiten, ne? Und das zu machen. Aber bei ihnen, bei der Welt, sind sie es, die das machen. Are you getting it? Et on peut ce qui est important pour les enfants de Dieu là, à comprendre est que on peut faire le même travail mais c'est pas la même personne qui travaille. Eux ils le font d'eux-mêmes mais nous c'est Jésus-Christ, c'est l'Éternel lui-même qui travaille à travers nous. Et c'est aussi mm-hmm. Oh, c'est bon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You are not the same like them. Ils sont nicht so wie die. Nous sommes pas comparables. They are the one working. Sie sind diejenigen, die arbeiten. Eux, ils travaillent eux-mêmes. Just like they are the one speaking. Once they are speak, they open their mouth to speak. Genauso wie sie auch diejenigen sind, die sprechen, wenn sie ihren Mund öffnen. Tout comme c'est eux aussi qui parlent quand ils ouvrent leur bouche. Matthew 11. Jesus said, once you open your mouth, speak. It is the spirit of your father that speaks through you. So also, once you are walking, it is the Christ in you that is walking. Because that power belongs to him, the power that is walking. Genauso wie der Heilige Geist, der durch uns redet, ist auch der Heilige Geist, der durch uns arbeitet. Diese Kraft, die durch uns hindurch arbeitet. Et tout comme aussi, c'est quand nous on parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Enfin, quand Jésus-Christ a dit que quand tu parles, c'est l'esprit de ton père qui parle à travers toi. Et c'est la même chose ici quand on travaille. Quand on travaille, c'est Jésus-Christ lui-même qui travaille parce que toute puissance l'appartient. For Christ's sake, me, you are not the one doing that job. Um Christus willen bedeutet, dass du nicht derjenige bist, der diese Arbeit macht. Parce que quand il s'agit de quand tu le fais pour la volonté de l'Éternel, ça veut dire que c'est plus toi qui es en charge, mais c'est l'Éternel qui est en charge. Amen. Parce qu'il s'agit de sa volonté. Amen. Amen. Again, the period of transit, we talk about it not today so much because I still want to go through things before we close. Amen. Just like when Jesus was here, it was a transit period for him. Prepare for the kingdom of heaven is at hand. That's a transit. Diese Überbrückungszeit, darüber werde ich heute ein bisschen sprechen. It has not yet come, but it's at hand. Und das nächste Mal noch. I'm about to land in the land. You are traveling from here to Nigeria or to Congo. I don't know that of Congo where you go through. But in Nigeria, you go through Tokai. You go through whatever airline. That you are taking, they take you to a place. There's a period of transit. Casablanca. Okay, good. And that transit, amen. You know that transit is very important because it prepare you for the place. Transit is very important. It prepare you for the place. Yeah. Are you getting it, please? It prepare you for the place. You that. Genau, es gibt eine Überbrückungsphase und an dieser Überbrückungsphase ist so wie jemand, der halt diesen Zwischenstopp hat zwischen zwei Ländern, um in ein anderes Land zu kommen. Et comme je disais, on ne va pas en parler beaucoup aujourd'hui, mais il y a toujours un temps de transit. Quand Jésus-Christ, par exemple, il était ici sur terre, il a dit « Préparez-vous parce que le royaume des cieux est prêt. » Donc, quand on dit qu'il est prêt, ça veut dire que tant qu'il était encore là, il était, le royaume des cieux n'était pas encore vraiment là. Tout comme, par exemple, quand vous partez, quand vous voyagez au Nigeria ou quand vous voulez partir au Congo, c'est pas un vol direct, donc il y a toujours un endroit où vous devez passer, transit et de là vous continuez à votre destination. Amen. You know, people have different transit. Leute haben verschiedene Überbrückungen. Donc l'être humain a chacun un lieu de transit différent. Amen. If you look at No, that transit it might be difficult. Und diese Überbrückung ist schwierig vielleicht. Et ce point peut être difficile. It's like that plantation that I talk about, the north, that was cleaning. You know, that period was his transit. He was preparing for something. I don't know if you understand what I'm saying. Wie die Krankenschwester, die gearbeitet hat noch als Reinigungskraft und sie hat sich für etwas vorbereitet, für diese Hochzeit hat sie sich vorbereitet. Et si je vous si on prend l'exemple de ma collègue qui était infirmière, ce deuxième job qu'elle avait, c'était une période de transit aussi. Joseph in prison was a transit. Oder Joseph im Gefängnis, das war auch eine Überbrückung. Who's gotten it? Joseph en prison, par exemple, c'était aussi une période de transit. Even in Potiphar's house, that was also a transit for him. He was sold as a slave was a transit. You can see the transit. Until he got in there. Verkaufung als Sklave war es auch eine Überbrückung, bis er dann It is a must. You must be there. Amen. Are you getting it? Bis er dann als Premierminister da gearbeitet hat. Aber es ist ein Muss, dass man dort ankommt. Tout comme, enfin, sa période de transit n'était pas seulement en prison, c'était aussi quand il était toujours esclave dans la maison de Potiphar. Mais sa destinée devait s'accomplir jusqu'à quand il est devenu vraiment un ministre. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Mark 10 help us to know that it is a must. Marc 10 nous aide à comprendre que que ça doit s'accomplir. We know here it's very popular with us because all the time we go here. Amen. Amen. From verse 28. Marc 10:28. Then Peter began to say unto him, Lo, we left all. We have left all. It's not we are going to leave all. We have. Exactly, we have alles verlassen. Amen. We have left, or it is a done deal. It is strong time. No going back. On a tout quitté. And I followed it. And not we are going to follow you. Amen. The journey. We have started the journey. Die Reise hat schon angefangen. Amen. Verse 29. On a commencé notre trajet. On a tout quitté et on t'a suivi. Pas, on va te suivre. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, or for my sake, and the gospel. Are you getting it? Please, for my sake and the gospel is very, very important. Not leaving it because of marriage. Nicht das Verlassen I don't know if somebody is getting it. Not doing it because to help somebody that is of the, it's all about the flesh. It's my mother, it's my father, it's my brother, it's my uncle in Ghana, in Nigeria, anywhere. You don't do things that way. You don't allow it. You don't go there. You allow the Holy Ghost to lead you. Are you getting it? Wir lassen zu, dass der Heilige Geist uns leitet und leiten uns nicht nur aus Mitleid oder aus kulturellen Zwang. It's not the pity of this world. You don't go there at all. Do it because they are your father's children. You are the firstborn of your father's children and so you must be there for them. You will kill yourself. Satan will destroy you. Because Satan, you know, you better help them to know that it's all about Christ for them. Not you. It's not about you for them, but Christ. Du musst zulassen, dass die Leute wissen, dass es um Christus geht und nicht um dich, dass nicht du ihr Versorger bist, sondern Christus. Tu dois permettre pour tes bien-aimés qu'ils comprennent qu'il s'agit toujours de Jésus-Christ et pas de ta personne, que c'est Jésus-Christ qui est capable à prendre soin de eux et pas de toi, parce que sinon, si tu le fais pas, tu vas devenir une cible pour le diable, et aussi eux aussi vont jamais trouver la vérité, parce que Jésus-Christ aussi dans verset 29 nous dit que je vous le dis en vérité, il est personne qui est quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne vous en pas sentu, mais tu dois vraiment le faire pour Jésus-Christ et pas pour pas à cause de la tradition, à cause de la culture ou alors de relations charnelles, genre parce que tu es l'aîné ou alors tu es le fils unique. Non, c'est pas la raison pour laquelle, c'est pas le motif pour laquelle tu dois faire les choses. Ton motif doit toujours être pour Jésus. Doit toujours être Jésus-Christ. You are the firstborn of the family. You have to carry all their load. Mm. Reject it. Mm. Let you know Christ is the savior, not you. Mm. You point them to Christ. You bring them to tell them to go to Jesus Christ. They should better be calling the name of Christ and not your name. Mm. Not the fleshly, because you have to balance it. Yes, everything, we are Christ. But Jesus have to balance it. I and my Father, we are one. But sometimes we say, I and my you can see it. You have to balance it, because those people outside there, they never see you as Christ. They can see you as your name. And once you are there for them, Satan is the one you are there for. Because they refuse to surrender to Christ. It's not about Christ for them. And once you are there for them, they make you the head and not Christ the head. Because they don't know Christ. And they endanger you, that they put you in the position where Satan will destroy you. Und man muss es halt ausbalancieren, weil auch Jesus es halt ausbalanciert hat. Na, wenn er gesagt hat, dass er und der Vater eins sind, oder auch wenn er manchmal auch gesagt hat, ja, der Vater weiß das oder ich nicht. Und genauso wie wenn diese Welt, also die falsche Familie, will einem sozusagen diese Position geben als Versorger, weil man zum Beispiel der Erstgeborene ist. Und dann muss diese Verantwortung oder diese Position von einem abweisen und sagen, ey, Christus ist euer Versorger und nicht ich, nicht Fleisch und Blut. Ich bin zwar Christus, aber ihr müsst eure Hilfe bei Christus suchen, weil ohne Christus so that they themselves will become Christ. Ja, weil ohne Christus bin ich nicht Christus. Not death depending. Nur mit Christus bin ich Christus. Und deswegen müsst ihr euch auch auf Christus verlassen, damit ihr auch zu Christus seid. Und das muss man diesen Leuten halt klar machen, weil sonst werden diese Menschen sich auf dich verlassen und dich zur Zielscheibe des Satans machen und dich damit mit zerstören. Et c'est pas parce qu'on dit qu'on est le Christ que ces personnes peuvent venir vers nous. Parce que même Jésus-Christ lui-même, il a dit que lui est le Père son un. Il y avait certaines situations où il s'est séparé du Père. Et c'est la raison pour laquelle quand ils ont besoin de ton aide, tu dois seulement leur donner Jésus-Christ. Parce que si tu les aides, ils vont pas, quand ils te voient, ils vont pas dire que oh, c'est Jésus-Christ qui m'a aidé à travers toi. Ils vont dire que non, c'est toi qui m'as aidé. Et là, tu leur empêches l'accès à Jésus-Christ. Et de deux, tu te rends accessible au diable. Parce que c'est toi qui es mal dans la tête et pas, c'est pas Jésus-Christ. Or que c'est Jésus-Christ qui doit être la tête. C'est Jésus-Christ qui a déjà vaincu le diable. Et c'est Jésus-Christ qui est un cible, on peut dire. Et si tu regarde. Praise the Lord. Hallelujah. Satan is always after the head. He's always after the source. Parce que le diable, il attaque toujours la tête, il cherche toujours la source. Amen. Anything you make the head, if it is not Christ, Satan will take it. Also, es wird zum Kopf machen. Wenn es nicht Christus ist, wird der Satan es nehmen. He will pursue it and take it and destroy it. Er wird dahinter sein. Because everything, all as Christ is the one that is above him, only Christ. Nur Christus. All others, they are below Satan. Because he is spirit. Denn nur Christus steht über den Satan. Alles andere steht unter ihm, weil der, der Satan Geist ist und das andere ist Fleisch. Mm. Et Jésus-Christ est la seule personne qui est au-dessus du, du diable. Et si toute chose que, qui n'est pas, où Jésus-Christ n'est pas la tête, le diable va le poursuivre et va le détruire. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. In verse 30, it says, but you shall receive a hundredfold. Verset 30. Now, he said now. Can you see it there? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Now, in this time, it is a must. Amen. Amen. That you must receive a hundredfold. Now, in this time, houses, brethren, sister, mother, father, children, lands with persecution. And in the world to come, eternal life. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said now. Er sagt jetzt. And not even later. Und nicht später. Amen. Amen. It means in this, the, that it is your, it's a guarantee. That is why you know that if even you are inside plane, this plane will not fly because I have not received one. Das ist eine Garantie, die so sicher ist, dass du, wenn du in einem Flugzeug bist und es kurz bevor es abzustürzen, du sagen kannst, es wird nicht abstürzen, weil die Versprechen des Herrn haben sich da hier noch nicht physisch erfüllt in meinem Leben. Dieses hundertfältige Zurückempfangen ist noch nicht passiert. Deswegen weiß ich, dass der Herr noch was mit diesem Leben, was er mir geschenkt hat, vorhat. Et, on peut lire, je vais lire encore une fois 29 et 30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Donc il est très important de comprendre qu'il n'a pas dit qu'on va l'obtenir après la mort ou quoi que ce soit, mais non, il a dit qu'on va l'obtenir ici. Donc, et ça aussi, c'est une garantie qu'on a, que si par exemple tu suis la volonté de Dieu et que tu es en voyage, par exemple, tu prends un avion, et si c'est sa volonté, tu peux être sûr que même si cet avion fait un accident, que tu vas toujours survivre, parce que tant que les choses que Jésus-Christ t'a promis ne se sont pas encore manifestées ici sur terre pour toi, tu sais que ton temps sur terre ne peut pas être encore arrivé à sa fin. Praise the Lord. Alléluia. For Jesus to achieve us, he brought down himself. Damit Jesus uns gewinnen kann, hat er sich selbst halt erniedrigt. Ouais. Afin que Jésus-Christ puisse nous gagner pour lui, il est venu sur terre et s'est humilié pour nous. He left heaven and he came here. Er hat den Himmel verlassen und ist hingekommen. Il a quitté le royaume des cieux. Amen. Et il est venu ici. And in Matthew 18, he said, whatsoever we stop you, cut it off. Und Matthäus 18 steht, was auch immer dich davon abhält, das sollen wir abhacken. Et dans Matthieu 18, il est décrit, peu importe qui t'empêche à accéder au royaume des cieux, on doit l'arracher. Amen. Amen. You know that woman tried to cut off whatever was still on that marriage. Are you getting money? You know, money was going to be a problem. She have to solve it. Mm-hmm. Are you getting something? Diese Frau hat versucht alles abzuhacken, was gehindert hat, ihre Ehe, also was dafür gesorgt hatte, dass ihre Hochzeit nicht so zustande gekommen wäre, wie sie sich vorstellt. Et comme cette infirmière, par exemple, elle a essayé de sa propre force d'arracher, de couper tout ce qui peut être entre elle et son mariage. Et quand il y avait un problème d'argent, elle a trouvé un autre travail où elle aura un deuxième salaire. It is not pretending on the outside. Crisis your inside more than your outside. Und es geht auch nicht darum, also zu tun, als ob man alles gegeben hat. Weil Christus sieht das Innere. Et il s'agit pas non plus de prétendre qu'on a tout essayé, parce que Jésus-Christ, il voit ton intérieur et pas l'extérieur. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. The problem with man is the fear of things are getting worse. Das Problem bei Menschen ist, dass der Mensch sich denkt, die Dinge werden schlimmer werden. Es wird noch mehr Rechnungen geben, noch mehr Probleme geben. Et le problème de l'être humain est qu'il pense toujours que les choses vont devenir de plus en plus pire. Amen. The debt getting bigger. Die Schulden werden größer. Que tes dettes vont vous augmentez. Amen. Amen. I am getting older. I'm not getting, you know, it's always, are you getting it? Mm. The world system, what they see. Das Weltsystem, was sie sehen. L'homme voit toujours le système de ce monde, l'âge, le temps. Amen. Amen. Amen. Amen. The flesh, the five senses hate to see things getting worse. Das Fleisch, die fünf Sinne hasst es zu sehen, dass die Dinge schlimmer werden. Et la chair, les cinq sens détestent de voir que les choses sont en train de s'aggraver. Ouais. More peace are coming. Amen. Mais you cannot pay. Ah, your body, you know, you can't, you are not comfortable with it. Amen. You are not comfortable with it. Und you don't have peace of mind because of all hast the debts. Du hast keinen Frieden wegen diesen ganzen Schulden. Et à cause de toutes ces dettes, ou alors à cause de toutes ces circonstances, ces problèmes, tu n'es plus dans la paix de l'Éternel, tu n'es plus satisfait. You know, the flesh always like to see himself on that that he is in control of everything. Das Fleisch liebt es zu sagen, dass es Christ should be in der Kontrolle ist von allem. Aber Christus sollte derjenige sein, der in Kontrolle ist von allem. Amen. Et la chair adore être au-dessus de la situation, adore avoir le contrôle, mais alors que c'est Jésus-Christ qui est la seule personne qui doit avoir le contrôle. You know, Jesus said until things get worse, it never get better. Jesus sagt, that's for Jesus. It's never. Erst wenn die Dinge schlimmer never werden, see. Werden sie. Go to John 12. Werden sie besser in Christus. Johannes 12. Jean 12. On peut voir que Jésus dit que amen. Les choses doivent d'abord s'aggraver avant qu'ils puissent s'améliorer. John 12. Johannes 12, 24. Jean 12, 24. Amen. Amen. He said, verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die. Ah, ah. Is somebody getting something here? Mm. Until something dies. Es, wenn es stirbt, something cannot live. Kann es nicht leben. Mm. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Donc, la chose doit d'abord mourir avant qu'elle s'améliore, avant qu'elle trouve la vie. Until there is nothing to hope for. Are you getting it? Mm. Nothing at all. Erst wenn es hoffnungslos ist. We don't like it. The flesh hates it. Das Fleisch hasst es. We see nothing to hope for. Zu sehen, dass es nichts gibt, worauf man hoffen kann. Mm. Donc la situation doit être vraiment sans espoir afin que le Saint-Esprit peut vraiment se manifester et montrer sa puissance. That's how to kill the flesh. So töten wir das Fleisch. Nothing to hope for. Nichts zu hoffen. The flesh is, you know, you are just killing it. Donc on doit vraiment plus avoir d'espoir dans la chair, mais sûrement seulement faire confiance à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, parce que tant que ce n'est pas le cas, on a le Saint-Esprit à les est pas capable à vraiment nous aider, ou alors Jésus-Christ n'est pas en contrôle de cette situation, parce que on va toujours essayer de le faire de notre propre manière. A certain corn of wheat is fallen into the ground and die, it abided alone, but if it die, it bringeth forth much fruit, like Christ Jesus. That's why we are Jesus. Deswegen sind wir in der Lage, heute mit ihm eins zu sein. Eins Amen. Zu sein, weil er gestorben ist. Vers 25. He that loveth his life shall lose it. The only person that can keep anything for you is Christ Jesus. Der Einzige, der etwas für dich aufbewahren kann, ist all Christus Jesus. Alles andere sind Diebe. Mm. La seule personne qui peut garder des choses pour toi, réellement garder des choses pour toi, c'est Jésus-Christ, parce que toutes autres personnes sont... sont des voleurs. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. I don't know if you are getting it. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, he came here, said, I don't have any home. No home. Yes, he called because I got kind of house. Foxes, they have home, but I don't have anywhere. He left heaven. Er hat den Himmel verlassen. He came here. Ist hingekommen, ist gestorben. Amen. Il est venu, il a dit qu'il a... Il a abandonné sa maison, il a abandonné le royaume des cieux pour nous, pour mourir pour nous. Amen. Amen. The darkest hour comes before the dawn. Die dunkelste Stunde kommt vor der Dämmerung, vor der Tag anbricht. Amen. The darkest hour comes before the dawn. L'heure la plus sombre et toujours avant le lever du soleil. Oui. Amen. Amen. The fear of things getting worse. Die Furcht davor, Satan uses it a lot. Schlimmer werden. Der Satan nutzt das. Et quand la situation est en train de s'aggraver, c'est là où le diable essaie de d'utiliser ça pour te encore plus te déstabiliser. You know, the more you pray, the more things are getting worse. You are going to give up your prayer. Umso mehr man betet, umso schlimmer es wird, dann wirst du aufhören zu beten irgendwann. Parce que quand tu es en train de prier et la situation est toujours en train de s'aggraver, là tu vas abandonner. C'est ça que le diable veut. Satan use it a lot to see, you know, make sure it gets worse. You know, if you look at the three Hebrew words, they said the fire was getting hotter and hotter. Das Feuer wurde heiß und heiß, damit sie aufgeben können. Et si on regarde l'exemple des trois garçons hébreux, on peut voir que le feu devenait de plus en plus chaud. Et on peut voir que là, c'est le diable qui est en train d'aggraver la situation. Amen. You know, the epilepsy boy, you know, in Mark 9, verse 26, if we go there. Amen. The epilepsy boy. The disciples' fear of five senses. Things getting. Let's go there. Do this very well. Go to Mark 9. Mark 9. Amen. Mark 9. Praise the Lord. Amen. Mark 9. The problem the disciples they were having. Das Problem, was die Jünger hatten. The problem of the five senses. Das Problem der fünf Sinne. Amen. The five senses, once things are getting worse, then you have to withdraw from. Wenn die Dinge schlimmer werden, muss but man not in Christ sich zurückziehen, aber nicht im Königreich von Christus. Ja. On peut voir que c'est ça le problème avec les cinq sens, parce que quand les cinq sens remarquent que la situation est en train de s'aggraver, là notre nature charnelle nous dit qu'on doit se retirer avant qu'il ne soit trop tard. Amen. In verse 26, he said, "And this spirit." Well, okay, first of all, verse 25. When Jesus saw that the people came running towards, he rebuked the foul spirit. He prayed for this boy. Have you seen a young gebetet? Jesus Christ a prié pour ce garçon. Say unto him, thou dumb and deaf spirit. Are you good? You know, it's spirit to spirit now. Praise the Lord. Là, on peut voir maintenant. Amen. Spirit to spirit now. The flesh can do nothing. Once you come to the spiritual world. Là, on voit que Jésus-Christ est adressé directement à l'esprit. Amen. That dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him and enter no more into him. Verse 26. And the spirit cried and rent him sore. And came out of him, and he was as one dead, in so much that this many said he is dead. He looked worse. His sound was, but with Christ, it's never worse. And that's the beginning of the victory. Als ob die Situation schlimmer wird, aber mit Christus ist das nur der Anfang vom Sieg. Et si on voit dans un premier temps que l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort, mais on peut voir que la situation s'est d'abord aggravée avant qu'elle s'améliore. On peut voir que c'est là que le Saint-Esprit manifeste sa grandeur. Praise the Lord. Jesus did not pray that boy died. Jesus so that Jesus cannot believe that boy is dead. Is somebody getting it? No. Your prayer, if you what you speak is what you follow. Amen. You speak Christ and you follow it. Amen. Jesus did not pray that that boy died. What he said that spirit should leave this boy. Amen. So it doesn't matter how this boy look like now. Amen. I see somebody getting it. Right. Then in verse 27. Can I? Okay, Schatz. Und Jesus hat ja nicht gebetet, dass er stirbt, deswegen war er auch nicht tot, sondern wir müssen auch glauben und nach dem handeln, was wir gebetet haben. Et pour Jésus-Christ, il était clair que l'enfant ne peut pas être mort parce qu'il n'avait pas prié pour la mort de l'enfant. Et c'est la même chose avec nous, quand on prie pour quelque chose, on doit vraiment y croire et agir selon notre croyance. Selon notre foi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 27. But Jesus 77. Took him by the hand and lifted him up, and he arose. Praise the Lord. Hallelujah. Have faith in God. Hab Glauben an Gott. Amen. Et foi en Dieu. In Mark 10. Amen. Marcus. Amen. Say, have faith in God. Hab Glauben an Gott. Have faith in the word that you speak out. Believe that nothing can stop it. Mm. Have faith in that confession. That confession is Christ. Hab Glauben. Is somebody getting it? Nothing can stop it. Amen. You cannot see otherwise because you did not pray for otherwise. Amen. Du kannst nicht etwas anderes sehen, weil du nicht für etwas anderes wenn ich etwas anderes gebetet hast. Donc tu dois vraiment avoir foi en ton Dieu, tu dois avoir foi en ton identité et tu dois vraiment croire que tu peux pas avoir un autre résultat parce que si tu as prié pour quelque chose, tu peux seulement avoir la chose pour laquelle tu as prié si c'est la volonté de Dieu parce que si c'est vraiment sa volonté, tu peux jamais recevoir un autre résultat. You know, the more you pray for somebody and the more nothing is working, your flesh or other people's flesh will start reacting. Umso mehr wir für etwas beten und es passiert nichts, dann wird unser Fleisch reagieren und das Fleisch der anderen Leute, die das Fleisch mit ansehen, wird auch reagieren. Parce que si tu pries par exemple pour quelqu'un et la situation de la personne ne change pas, si ta chair commence à réagir maintenant, forcément la chair d'autres personnes qui t'entourent va aussi réagir. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why you learn to be above the flesh. Deswegen lernen wir über den Fleisch zu sein. Et c'est la raison pour laquelle on apprend à être dans l'esprit, on apprend à être au-dessus de la chair. Learn to believe that Jesus never failed. Lernen zum Geist zu sein. Du lernst, is somebody getting it? Dass Jesus Christus niemals versagt. Et on apprend à croire que Jésus-Christ n'échoue jamais. Amen. That's exactly what Jesus did here. Das ist das, was Jesus hier getan hat. Und die Jünger haben aber versagt, sie konnten es nicht umsetzen. Et c'est exactement ça que ce qu'on voit dans Marc 9. Ce que Jésus-Christ était capable à faire, mais ce que les disciples n'étaient pas encore capables à faire. Verset 27. Amen. C'est vrai, Jésus took him by the hand and lifted him up, and he arose. Praise the Lord. Hallelujah. Because Jesus, he knows that he is above the flesh. Weil Jesus wusste, dass er über dem Fleisch steht. Parce que Jésus-Christ lui-même, il savait qu'il était au-dessus de la chair. He never considered the flesh. Er hat das Fleisch nicht geachtet. Parce que pour lui, la... Il n'a jamais considéré la chair. Amen. Look at verse 28. Let me quickly try to get something here. Verset 28. And when he was come into the house, his disciples asked him privately, why could not we cast him out? Why were we not able to cast him out? Warum waren wir nicht in der Lage, ihn auszutreiben, den Geist? Praise the Lord. Amen. Mm-hmm. And he said unto them, this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. Mm-hmm. Amen. Amen. This kind of what? The problem was not faith. The problem was not even the devil. The problem was unbelief. Das Problem war nicht der Glaube oder dieser Dämon, sondern das Problem war Unglaube. Mm. On peut voir que le problème n'était pas la foi ou même le démon qui était dans cet enfant, mais c'était plutôt l'incroyance. That's why the prayer is not help me to have more faith. It's help me to get rid of unbelief. Mm. That fights your faith. The system of this world, what you know before, not that you have been taught, how things happen in this world that we have learned so much. The fight. Are you getting it? The problem, there's no problem. There's nothing wrong with your faith. The problem is what is fighting your faith. Das Problem ist nicht dein Glauben. What you allow to come in. Das, was wir gelernt haben, was wir wissen, was wir reinlassen durch die fünf Sinne, das greift das an, was der Herr schon gesagt hat. Et on peut voir que le problème n'est jamais notre foi, mais plutôt notre incroyance, les choses de qui nous entourent, l'extérieur qui peut influencer, qui nous influence. Ouais. C'est ça le problème. Amen. The first sense is here. You know, the bird. You know, it could have affected Jesus if Jesus was not above the flesh. The bird fell down as if he was dead. It happened before this disciple. And the disciple could do nothing. They were not praying that it should not even die. Maybe they would be crying. Like Moses was crying before the sea. Hey, we have killed somebody. Why is this one not working? You can see unbelief everywhere. Und Jesus stand über dieser Person, über dieser Situation, und deswegen hatte er eben keine Angst und Panik, obwohl das Kind halt umgekippt ist. Aber die Jünger, die waren anders, die haben sich davon kontrollieren lassen und waren schockiert, haben sich gedacht, haben wir jetzt jemanden getötet, was haben wir gemacht, wieso funktioniert das nicht, und haben halt geweint und gemeckert über die Situation, genauso wie Mose über die Situation auch geweint hat, als er vor dem Roten Meer stand und ich wusste, wie es weitergeht. Et on peut voir que le problème est toujours l'incroyance et la chair, parce que Jésus-Christ n'aurait pas été capable de prendre l'enfant par la main s'il n'était pas au-dessus de la chair. Ces disciples, par exemple, ils étaient en panique, ou alors même si on prend l'exemple de Moïse, quand il était devant la mer, il a commencé à pleurer, il a commencé à se poser des questions, il était en doute. Mais c'est ça le problème qu'on a toujours, que la chair a toujours le dessus de l'esprit et pas l'inverse. Praise the Lord. Hallelujah. You know, naturally, what the Lord told Abraham to give him is more than what he's telling us today. Und natürlich gesehen ist das, was Gott zu Abraham gesagt hat, ist mehr als das, was er uns heute, worum er uns heute bittet. Si on charnellement, ce que Dieu a demandé à Abraham de faire est plus difficile que ce qu'il nous a demandé, ce qu'il nous demande aujourd'hui. You can see now why Abraham was called the father of faith. Wir sehen, weshalb Abraham der Vater des Glaubens genannt wurde. Amen. Come on, money is your people are shaking. The legs are shaking. Everything at Porto is going to shake. Et tu peux voir pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. Are you getting it? Weil hier geht es nur um Geld und der Mensch ist am Zittern und hat Angst und sorgt sich um sein Konto. Und bei dem anderen ging es um ein Menschenleben. Ja, parce que nous ici, il s'agit seulement de l'argent, mais quand il s'agissait d'Abraham, il s'agissait de la vie de son fils. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Ah, Christ's word is not hard work. Die Welt von Christus ist nicht hart. Just believe harder. Du musst einfach nur härter glauben. Le monde de Jésus-Christ n'est pas un monde où il s'agit de travailler, il s'agit seulement de croire. Amen. Amen. It's not hard work, just believe harder. Es ist nicht harte Arbeit, sondern du glaubst einfach nur hart. Tu dois vraiment croire avec tout ce que tu as. Joseph was in prison doing nothing. What was he even doing? As a prisoner. Amen. Amen. But from there, allow him to be your victory. Allow him to work out things for you freely. Lass zu, dass der Herr für dich arbeitet. But depend on him, trust him. Er braucht dein Vertrauen dafür. Somebody get him. Il a besoin de ta confiance, de ta foi, afin qu'il puisse agir à travers toi. Amen. Amen. You cannot compare go and kill your son for me to any money. Geh deinen Sohn töten, nicht vergleich mit eurem Geld, was du dem Herrn übergeben sollst. Parce que tu peux pas comparer devoir sacrifier ton fils comparé à devoir donner un tiers de ton argent ou un certain montant dans l'église. Is somebody getting it? He said you can only obey his voice if your focus is completely him. Du kannst seiner Stimme nur gehorchen, wenn dein Fokus auf ihm liegt vollkommen. Amen. Amen. Amen. You can only obey his voice if your focus is completely. Du kannst deiner Stimme nur gehorchen, wenn dein Fokus vollkommen auf ihm liegt. Et es seulement capable à obéir à sa voix si ta concentration est seulement sur Jésus-Christ. If your focus is your flesh, your body, your voice will be so hard. Wenn dein Fokus auf dem Fleisch ist, auf deinem Körper, dann wird es unmöglich sein zu gehorchen. You cannot do it. Dann wirst du es nicht tun können. Et si ta concentration est toujours sur toi-même, sur ta chair, tu seras jamais capable à le faire. He said, my job is to preach the truth. Meine Aufgabe ist es, die Wahrheit zu predigen. Parce qu'il dit que mon travail est de prêcher la vérité. What he gave me to preach. Was er mir gegeben hat zu predigen. Amen. Amen. Making it easier is not my job. Es einfacher zu machen, ist nicht meine Aufgabe. Sondern ich soll die Sachen so sagen, wie ich sie weitergegeben habe. Et il m'a dit de pas diluer sa parole, il m'a dit de le transmettre comme je l'ai reçu. It's a rejecting or ignoring it for them is not my job. Ist zu verweigern, ist zu ignorieren, das ist nicht meine Aufgabe. Le rejeter ou l'ignorer, c'est pas mon travail. He said, I should allow them to choose. I choose for them. Und nicht, dass ich für sie wähle. Also, dass ich als Pastorin für sie entscheide. Ouais. Je dois leur laisser leur choix. C'est pas moi qui dois choisir pour eux, mais eux-mêmes, ils doivent choisir. He said, if I pamper, it means I'm helping you to choose. Wenn ich nämlich verhätschle, dann helfe ich euch zu entscheiden. Ouais. Et l'Éternel m'a dit que si je vous donne dans l'autre, là, je vous aide à prendre une décision. He said, you are mature enough to eat the strong meat. Aber wir sind reif genug, um diese starke Speise zu verdauen. Amen. Et l'Éternel m'a dit que vous êtes assez mature pour recevoir une nourriture. You know, I asked him, what about condemnation? Dure, lourde. Und ich habe ihn gefragt, was ist mit der Verurteilung? Et je lui ai demandé, et s'ils se condamnent, Amen. I said, the children, they will condemn themselves. Or see it as false. Amen. They will condemn themselves if they cannot do it. He said, there is a difference between its own kind of condemnation and this word condemnation. Mm-hmm. Und ich habe ihm gesagt, dass die Kinder sich verurteilen werden, wenn sie das nicht tun können und sich oder es als Zwang sehen. Die Botschaft. Aber der Herr hat gesagt, es gibt eine Verurteilung Christus und eine Verurteilung dieser Welt. Et j'ai demandé à l'Éternel, qu'est-ce qui se passe si tes enfants commencent à se condamner maintenant? Et l'Éternel m'a dit qu'il y a une différence entre la condamnation de ce monde et la condamnation de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Amen. He said there is condemnation in his kingdom, and this condemnation is good. Es gibt Verurteilung im Königreich Gottes, und diese Verurteilung ist gut. Parce que il existe une condamnation dans le royaume des cieux, mais cette condamnation est bonne. He said just like we condemn sin. Genauso wie wir die Sünde verurteilen. If somebody got in it. Tout comme on condamne le péché. Amen. Just like we condemn evil. Wir das Böse verurteilen. If somebody got in it. Comme on condamne le mal. So also we condemn disobeying. So verurteilen wir auch die Wahrheit zu missachten. Et c'est de la même manière qu'on condamne le désobéissance à la vérité. Amen. He said my own kind of condemnation is for repentance. Meine Art von Verurteilung ist für die Buße, nicht zur Zerstörung dienen. Parce que ma condamnation est là pour pour vous mener à la repentance et pas pour vous amen. À la mort, pour détruire. Ouais. Amen. Amen. It helps you to repent and not to remain the same. Es hilft dir, Buße zu tun und nicht gleich zu bleiben. Parce que ça t'aide à te repentir et pas à rester le même. leads you to deliverance. Es führt dich zur Erlösung, nicht Zerstörung. Parce que ça t'amène à la liberté et pas à la destruction. Free you and not keep you in bondage. Es befreit dich und lässt dich nicht zu, dass du in Gefangenschaft bleibst. Amen. Ça te libère et ça, ça te libère de la captivité. It is like God loves sinners, but he hates sin. Genau wie Gott. Somebody get this on TV. Die Sünde hasst, aber den Sünder liebt. Genau. C'est la raison pour laquelle l'Éternel déteste le péché, mais il aime le pécheur. Is somebody getting it? Nothing of Christ is just hard. Nothing of him. Please. Nothing of Christ is just hard. It's hard. Nichts von Christus ist einfach nur hart. Rien de l'Éternel est seulement difficile ou seulement dur. They are all impossible. All das ist unmöglich. Without him. Tout ce qui vient de l'Éternel est impossible à le faire sans l'Éternel lui-même. Amen. Remember, it says, for one slap you this, I said, give him the other side. So that you can see that it is, he said, love your enemy and not hate them. You can see that it is impossible. Nothing of him. That's why it must be him. He is the one doing it. That's why no flesh can achieve it. It's not possible. Jesus selbst kann das halt tun. Das Fleisch kann es nicht tun. Aber wenn es auch heißt, du sollst, wenn dich jemand auf eine Seite schlägt, ihm die andere Seite hin zeigen. Oder wenn du sollst deine Feinde lieben. Das sind alles Dinge, die sind unmöglich im Fleisch. Das geht nur durch Christus. Parce que si par exemple tu veux le faire charnellement, que si par exemple quelqu'un te gifle sans Jésus-Christ, tu ne seras pas capable à lui tendre l'autre côté, l'autre joue. Tout comme sans Jésus-Christ, tu n'es pas capable à réellement aimer tes ennemis. Tout ça, tu n'es pas capable avec lui-même. In fact, that is how you know what is for him. If it is not possible for you to get it. Naturally, then you know it's from him. Wenn es has to be him before you get it. Natürlich gesehen unmöglich ist, dann muss es von ihm sein. And that's why that thing should not even threaten you at all. Deswegen sollte diese Sache dich nicht because he is the doer. Weil der Macher ist. Donc si quelque chose est impossible pour la chair, là tu es sûr que le Saint-Esprit, que Jésus-Christ est là pour le faire pour toi, qu'il a déjà fait pour toi. Parce que tu sais que c'est impossible pour toi-même de le faire, donc ça doit toujours passer à travers lui, et c'est pour cela que ça ne doit pas t'intéresser, ou bien ça ne doit pas te préoccuper comment obtenir la chose, ou bien comment faire la chose, parce que c'est lui-même qui va le faire, parce que vu que c'est impossible pour toi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you can do it without him, it is not coming from him. Wenn wir das ohne ihn tun können, it means it is not his will for you. Ist das nicht sein Wille für dich? Ouais, parce que si tu es capable de le faire sans lui, ça veut dire que c'est pas sa volonté pour toi. His will for you only need him to do. Sein Wille für dich braucht ihn, das zu tun. Es zu tun, braucht nur ihn, um es zu tun. Pour faire sa volonté, tu as besoin de lui-même qu'il fasse. À travers toi. Nothing of Christ is just hard. They are all impossible. Nichts von Christus ist einfach nur hart. Es ist unmöglich. Rien qui vient de l'Éternel, rien qui vient du Christ. Et seulement. Et juste dur. C'est plutôt impossible. For Christ's Spirit to come inside you and live inside you is impossible. Dass der Geist von Christus in euch lebt, ist unmöglich. The Spirit of Christ to come inside a man. Dass der Geist von Christus in einen Menschen kommt, ist möglich. It's not just hard, but impossible. Que l'esprit de l'Éternel vient dans un être humain est impossible sans l'Éternel. Amen. That salvation in John 3, if you go there. Remember that man said, you know the Nicodemus. He said, how can a man be born again? Can he go second time? He told because there no man can go second time into his mother's womb. Are you getting it? Once you are now born, how old are you? Nicodemus, well, I don't know, maybe he was, well, I don't know how old he was. He was already old. How will he be born again at his age? To go back with man is not just hard, but it's simple. Are you getting it? Wie bei dem Beispiel mit Nicodemus, dass es unmöglich ist, sozusagen wieder zurück in den Schoß seiner Mutter zu kommen. Und das ist nicht nur hart, sondern unmöglich, wiedergeboren zu werden, zu sagen, ohne Jesus Christus. Pour comprendre que pour être sauvé, tu dois d'abord être né de nouveau. Tu as besoin de l'Éternel, de Jésus-Christ lui-même pour le comprendre. Parce que même Nicodème Même Nicodème a cru qu'il n'a pas compris que comment un homme, un adulte peut retourner dans le ventre de sa mère. Praise the Lord. For I hope God will come here and be like one of us and suffer and die for us. You know, we might not know the magnitude, but Satan knows what it is. Satan knows what it is. Gott auf diese Welt kommt, um für uns zu sterben. Wir erkennen die Größe von dieser Sache nicht wahrscheinlich, aber der Satan weiß, wie groß das ist. Nous, on n'est pas capable à comprendre la grandeur du fait que Jésus-Christ, qu'un Dieu entier est venu sur terre, s'est humilié pour nous, pour nous sauver. Mais le diable, il est conscient de cela. Praise the Lord. Hallelujah. For Christ of 3,000 with 2 fish and 5 loaves. Das Christus. A little boss me. It is not just hard, but impossible. Mm. Dass Christus tausende von Menschen satt macht mit 2 Fischen und 5 Brotlaiben, das ist unmöglich. Que Jésus-Christ est capable de nourrir des milliers avec seulement quelques pains et quelques poissons pour un être humain, c'est difficile à réaliser, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à croire. Praise the Lord. Even myself, the message I preach here. It's not just hard, it's impossible. It's nicht nur hart und unmöglich. Amen. Where they are coming from? Because I never heard it from anywhere. Weil ich habe diese Botschaft von nirgendwo gehört. Même pour moi-même, le message que l'Éternel le message qu'il me donne, pour moi-même, c'est aussi difficile à comprendre. C'est aussi impossible à comprendre sans l'Éternel parce que je ne les ai jamais entendus. Amen. I'm not saying preaching religion, but preaching Christ. Je meine nicht Religion predigen. There's a difference between preaching religion and preaching Christ. Es gibt einen Unterschied zwischen Religion predigen und Christus predigen. Et là, je ne parle pas de prêcher la vérité, mais je parle non, je ne parle pas de prêcher la religion, mais prêcher la vérité parce qu'il y a une différence. Remember 1 Corinthians 2, we were there. Paul said he did not teach with man's wisdom. I never teach with one man wisdom because the wisdom of man did not even have in the first place. So how where will I even get it to teach? I just need it. Und genauso kann ich auch nicht mit der Weisheit von Menschen prägen, weil ich habe sie noch nicht mal, geschweige denn, dass ich sie nutzen könnte, um zu prägen. Et comme on avait lu au début, il s'agit pas de comme Paul avait dit qui n'utilise pas la sagesse de ce monde. Et c'est la même chose avec moi pour prêcher. Moi aussi, je peux pas le faire du fait que je suis pas instruite dans ce monde. Donc j'ai pas la possibilité. Donc, Amen. You know, people like Paul can say that. Amen. He was educated. Well, they have a degree upon degree. Amen. People preach with their wisdom, without this educational wisdom today. But you know, I don't even have it. So the teaching must be here. Because it cannot come from anywhere. Niemand wie Paulus, der halt diese menschliche Weisheit hätte die nutzen können, zu predigen. Und es gibt viele Leute, die das heute so machen. Dass die haben einfach diese weltliche Weisheit und damit predigen sie. They do not put pastor or bishop. Na, und sie nennen sich halt, haben halt diese ganzen Titel und sind halt Pastoren. Aber ich bin einfach nur ein Sohn Gottes. Amen. Amen. Tous ces pasteurs, tous ces hommes de religion, ils peuvent peut-être le faire parce qu'ils ont... Ils ont des formations, ils sont tous instruits, mais moi je me laisse seulement diriger par le Saint-Esprit. Not degree qualified me to be here. Kein Abschluss qualifiziert mich hier zu sein, sondern Christus allein. C'est pas C'est pas un diplôme qui me qualifie à être ici devant nous, mais c'est le Christ lui-même. And I thank the Lord that he did not the degree did not qualify me. Und ich danke dem Herrn, dass Abschlüsse mich nicht qualifiziert haben. Et je remercie l'Éternel que ce soit pas des diplômes qui me qualifiaient. Amen. It is better he qualify you than your degree, any result is qualifying you. Es ist besser, wenn er dich qualifiziert. Allow him to be your qualification. Amen. Irgendetwas, irgendein Abschluss dich qualifiziert. Lass zu, dass er deine Qualifikation ist. Mm. Et c'est mieux que Jésus-Christ lui-même te qualifie pour toutes choses que tu as prévues dans ta vie ou toutes choses que tu veux faire, mais plutôt que ce monde. Amen. Amen. Believe Christ. Go no, for that exam. Do it. Whatever you have, go and look for what you want to do. And see how things work. Are you getting it? Mach diese Prüfung und lass dich vom Heiligen Geist leiten, sein sollst, wo du dich bewerben sollst. Are you getting it? Go for it and then whatever you have, go use it. Go for it. Go for what he wants you to have. He will direct you and he will put you in the position that they will cry. Amen. Und lass dich vom Heiligen Geist leiten und einfach bewirb dich bei diesen Stellen. Und der Herr wird dich da haben, wo Menschen die Augen noch nicht gesehen haben und Ohren noch nicht gehört haben. Und Leute staunen und wundern werden. Donc on doit vraiment faire confiance à l'Éternel et vraiment renoncer complètement à la chair, parce que l'Éternel nous a promis que les yeux n'ont pas encore vu, ou les yeux n'ont aucun œil a déjà vu, aucune oreille a entendu ce que l'Éternel nous a réservé. Praise the Lord. Hallelujah. Please, I will quickly close with this. If you are not ready to obey Christ, no need to confess him. Wenn du nicht bereit bist, Christus zu glauben, dann brauchst du ihn auch nicht bezeugen. Achso, wenn du nicht bereit bist, Christus zu gehorchen, dann brauchst du ihn auch nicht bezeugen. Et pour conclure, je vais vous dire que si tu n'es pas capable à obéir à l'Éternel, tu n'as pas, t'as même pas besoin de confesser l'Éternel. Amen. Say you have whatever victory, mean you are confessing. You are saying you have him. You are confessing him. Amen. Because he is your victory. Jeglichen Sieg schon hast, dann bezeugst du damit Christus, weil Christus dein Sieg ist, dein Erfolg ist. Donc si tu dis que tu crois en Jésus-Christ, tu crois qu'il a tout accompli pour toi, donc tu confesses l'Éternel. Tu dois vraiment, réellement croire à ce qu'il a accompli. If you are not ready to obey him fully, don't confess him. If not, you will be disappointed. Wenn du nicht bereit bist, ihm vollkommen zu gehorchen, dann bezeuge ihn nicht, weil sonst wirst du enttäuscht. Et tu seras déçu si tu n'es pas. Return to frustration. Si tu le confesses et tu n'es pas capable à l'obéir à 100%, tu seras automatiquement déçu. Can I even turn to depression? Frustré aussi, ouais. Amen. Amen. En dépression. Denn es kann zu Depression und zur Frustration sorgen. Amen. Amen. He said, watch and pray. Er sagt, sei wachsam und bete. Et il nous dit d'être attentif et de prier. He said, be sober and be vigilant. Wir sollen nüchtern sein. Oh, on doit être sobre. And James helps us to know how to resist the devil. Und, you submit to him, to Christ. Johannes steht that's wie how wir, you resist the devil. So in Jakobus steht, wie wir dem Satan widerstehen, indem wir den Teufel widersteht. Wie wir dem Satan widerstehen. Indem wir uns unterordnen, indem wir uns submit. Achso, gebe dich dem Herrn hin und so widerstehen wir dem Satan. Amen. Et dans Jacques, il nous a dit comment renoncer au diable, et on doit, c'est en se soumettant à Jésus-Christ, là on rejette le diable. In confessing Christ, you must obey the voice of Christ. You must be prepared to continue to obey his voice. Wenn du Christus bezeugst, musst du bereit sein, seiner Stimme zu gehorchen. Parce que si tu confesses l'Éternel, si tu confesses le Christ, tu dois être aussi capable à obéir au Christ. Youpi! see this one finished today. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Because that the one of on Wednesday it has not finished. The other one of they are piling up. Praise the Lord. Hallelujah. So please, if you have